Les titulaires sur Studek Web. Et bonsoir à toutes et à tous, les titulaires sont de retour pour une nouvelle émission. On est ensemble jusqu'à 19h30 sur Studek Web, une heure de sport, une heure de plaisir. Le trio présent avec moi est d'attaque pour ne pas faire de la dentelle dans leurs analyses. Le créateur de l'équipe, celui qui voit tout, celui qui donne des caviars, celui pour qui le football n'a aucun secret, Antoine Ballet, bonsoir. Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Il est petit, il est robuste, il n'est pas rapide, mais il en impose de par sa prestance et ses caviars. Distillé à la perfection, il fait les beaux jours des titulaires sur son couloir gauche, sur la table, Yohan Guillet. Merci, et j'ai mangé Léo Messi, mais vraiment, je tiens à le dire. Merci à tous que t'es un tricheur. Et puis, on ne le présente plus, le sniper de l'équipe, le numéro 9. Les humiliations et les retournes acrobatiques sont ses spécialités. Bonsoir Yohan Bredov. Et bonsoir Quentin. Au programme de cette émission du foot, bien évidemment, avec le match Nantes-Saint-Etienne qui s'est déroulé hier où l'émotion et les larmes étaient présentes. Nous parlerons également des arbitres en France qui sont très critiqués en ce moment. La blessure de Neymar qui handicape le PSG alors que le premier choc face à Manchester est dans moins de 15 jours. Nous reviendrons sur les résultats en Coupe de la Ligue. Nous parlerons bien évidemment de Mercato, c'est aujourd'hui le dernier jour des transferts hivernaux. Et puis nous parlerons de tennis dans cette émission avec Djokovic qui retrouve sa première place et Caroline Garcia qui, elle, retrouve l'équipe de France après 2 ans d'absence. Mais tout de suite, c'est le résultat et les résumés de la semaine avec Yohan Guillet. Tu vas nous parler, du coup, Yohan, des résultats football d'hier. On a connu l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. Il faut que j'allume mon micro quand même. Ça serait pas mal. Je t'ai pas fait la passe des excuses. Oui, ça sera Guingamp contre Strasbourg. Les Guingampais ont battu Monaco au tir au but mardi, oui. Les Bretons étaient pourtant menés 2-0 après des buts de Rodi Lopez et de Golovin, mais sont revenus au score en seconde période. Strasbourg s'est pour sa part qualifié au terme d'un excellent match contre Bordeaux. Les Alsaciens l'ont emporté 3-2 grâce à un but d'Ajorc et un doublé de Motiba contre des buts de Sankaré et de Briand pour les Girondins. La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu le 30 mars à Lille. Des résultats européens, Yohan. Avec pas mal de surprises, Quentin, notamment en Coupe d'Italie où la Juve est éliminée en quart de finale après une lourde défaite sur le terrain de l'Atalanta sur le score de 3-0. Dans les autres quarts de finale, la Fiorentina a explosé la S-Rome 7-1 et le Milan AC a éliminé Naples après une victoire 2-0 grâce à un doublé de la recrue Piatek. En Angleterre se jouait la 24e journée de Première Ligue avec là aussi beaucoup de surprises. Chelsea s'est incliné 4-0 sur le terrain de Bournemouth. Défaite également pour Manchester City 2-1 sur la pelouse de Newcastle. Liverpool n'en a pas profité de cette contre-performance et a concédé le nul à Anfield contre Leicester. Première contre-performance également pour Solskjaer à la tête de Manchester United qui a concédé le nul 2-2 à domicile contre Burnley. Seuls Arsenal et Tottenham l'ont emporté en s'imposant 2-1 respectivement contre Cardiff et Watford. Et on retourne en France, Yohan, avec un match émouvant qui a opposé Nantes à Saint-Etienne. C'était le match d'après pour les Canaries, le match en hommage à Emiliano Sala disparu depuis plus de 10 jours. Dans ces circonstances, les deux équipes n'ont pu se départager en concédant le nul 1-1, Waris répondant à Cabella. L'émotion était à la hauteur de cet hommage, les supporters n'ont cessé de chanter à la gloire de l'attaquant italo-argentin. Le temps s'est même arrêté à la 9e minute, numéro du maillot d'Emiliano Sala. Sala, c'est 48 buts en 3 saisons et demie sous le maillot canari. Mais Sala, c'est surtout cet attaquant hargneux, insupportable pour les défenses. Ce joueur qui a la grinta, qui n'est jamais essoufflé. C'est la rencontre entre le manque d'esthétisme et l'efficacité froide. Ce genre de joueur qui part au combat chaque match, car il transpire la rage de vaincre. Pour être honnête, nous sommes tous plus ou moins fatalistes, on le sait. Mais nous aimerions tous le voir débarquer de nulle part et nous rendre heureux, comme sur un centre anodin dans le temps additionnel. À l'évidence, il représente le joueur qui aime le football, qui le chérit, qui le cajole. Et si Emiliano Sala s'en est allé, je suis sûr que lorsque les portes du paradis se sont ouvertes, il y a foncé premier poteau pour catapulter le ballon de la tête. Merci Yohan pour ton hommage à Emiliano Sala. Toutes nos pensées vont bien évidemment à la famille du buteur argentin et au club du FC Nantes que l'on a vu très touché hier sur la pelouse face à Saint-Etienne. On rappelle, score final 1-1. On revient un petit peu au foot. On a vu que les supporters avaient rendu hommage à leur ancien buteur en scandant son nom tout au long du match. L'arbitre a même arrêté la rencontre à la 9e minute pour une minute d'applaudissement. Malgré tout, les Nantais ont donné de la volonté sur ce match. Une manière de lui rendre hommage car avant tout, c'était un guerrier, Antoine. Oui, ça là, bah, franchement, j'ai du mal à... On a tous du mal à se rendre compte en fait qu'il a disparu. Mais bien sûr, bon, on va rester optimiste, on va garder tout le même espoir tant qu'il y a de la vie, pardon, il y a de l'espoir. J'en perds mes mots. Mais ouais, hier, ça nous a tous secoués, je pense. Même moi, ça m'a retourné. Enfin, ouais, c'était difficile. C'était très, très dur. Comment vous l'avez vécu, vous, Yohan, t'as pas eu de l'hommage très sobre et en même temps très puissant. C'est ce qu'il fallait, en fait. C'est un petit peu l'image de Salah. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est compliqué parce que, oui, comme l'a dit Johan, il n'y a aucune officialisation de sa mort. Il est porté disparu. En attendant, voilà, il y a des recherches. On a retrouvé des débris d'avion, qui n'est pas bon signe. Mais voilà, et c'est très compliqué parce que, par exemple, contrairement en Angleterre, Arsenal-Cardiff, il y avait une minute d'applaudissement, il me semble. En France, pour respecter la famille, il n'y a pas eu ça. Il y a eu, voilà, il y a eu un tifo de Salah, il y a eu un tifo du drapeau argentin, il y a eu, l'hommage, tout simplement, en fait, à la 9e minute. Et voilà, c'était ça. Et c'était extrêmement dur parce que perdre un joueur comme ça, et puis un joueur qui est 5e meilleur buteur de Ligue 1. 12 buts pour Emiliano Sala, et c'était un super joueur, et il devait vivre son rêve de jouer en première ligue, et malheureusement c'est pas possible. Mais au-delà du joueur, c'était un super mec, tout le monde est unanime là-dessus, il n'y a pas une personne qui a jamais dit que Emiliano Sala avait manqué de respect ou quoi que ce soit de ses plus bas niveaux, même quand il était en national à Orléans jusqu'à la Ligue 1 et presque la première ligue, il a respecté tout le monde, tous ses adversaires, tous ses coéquipiers, tous ses entraîneurs. C'est hyper triste, il n'y a pas de mots. On voit que on le voit à l'international, quand on voit que Lionel Messi a même soutenu pour qu'on reprenne les recherches. Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est important à dire, et Antoine l'a dit justement, Emiliano Sala, ce n'est pas un joueur dont on a commencé à parler uniquement quand il y a eu cette histoire, donc cette disparition. Emiliano Sala, c'était un joueur respecté bien avant, c'était un joueur qui était aimé de tous, ce n'est pas un joueur dont on ne parlait pas et dont on s'est mis à parler subitement avec ce triste événement. C'était quelqu'un qui, de base, depuis toujours, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, et donc même avant pour ceux qui le connaissaient, était apprécié par sa mentalité, par sa rage de vaincre. C'était le football, en fait. C'est ce qu'on aime dans le football, voir quelqu'un qui est heureux de jouer au football. Et c'est vrai que dans ces circonstances-là, on peut parler un petit peu football sur le match en lui-même, mais c'est vrai qu'on a vu les joueurs très touchés, c'est compliqué de penser football quand il y a une émotion aussi grande autour d'un match. Ouais, on a vu les joueurs impliqués et motifs. On a vu Fabio, notamment, qui s'est fait expulser, malheureusement. Mais ça, on en reparlera de l'arbitrage, qui était en pleurs. Vaïd Alilogic aussi. Yacine Bamou dans les tribunes. Image très, insupportable. Très, forte image. Très, très forte image. Et après, il y a eu ce moment de communion avec le but de Waris. On attendait tous un but. Hein. Peu importe le résultat, il fallait un but pour le FC Nantes. Ouais. Il a eu lieu. Et voilà, on a vu malheureusement, Waris était blessé au moment de la célébration. Mais on a vu les joueurs nantais brandir le maillot de Salah en face des supporters nantais. Et ça, c'était ce qu'il fallait dans ce match. Bon, écoutez, voilà, je le rappelle, score final 1-1, bien évidemment, match à part. On se retrouve dans quelques secondes pour parler de l'arbitrage. À tout de suite. Écoute ta web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires sur StudecWeb. 18h43 sur StudecWeb, vous êtes bien sûr avec les titulaires. Vous pouvez réagir avec Voxem, l'application. On répondra à vos questions, bien évidemment. On s'intéresse maintenant à l'arbitrage en France. Les joueurs, les entraîneurs et les staffs ne cessent de pester contre les arbitres. Hier encore, il y a eu polémique lors de l'exclusion de Yann Mvila et de Fabio. Alors, messieurs, je me tourne vers vous. Comment jugez-vous les arbitres ? Je commence par toi, Johan. En ce moment, il se passe quelque chose d'assez grave. C'est que avant, lorsque les arbitres commettaient d'énormes erreurs, on justifiait cela par « il faut mettre la VAR ». Ouais. Aujourd'hui, il y a la VAR et malgré ça, il y a des décisions qui sont insupportables. Hier, et on connaît quand même le contexte dans lequel s'est joué ce match hier, Mvila et Fabio se sont bousculés 2-3 fois en s'insultant pour récupérer un ballon. Ils ont pris rouge chacun. Rouge chacun pour cela. Ce n'est pas possible. Cela se passe à chaque match. Une bousculade et des insultes, c'est à chaque match. Là, on a même 15 par match. On ne peut pas mettre un rouge, surtout que derrière, l'arbitre tend son doigt sur son oreillette pour indiquer que du coup, la VAR lui parle. Et malgré ça, donc, les arbitres présents dans le camion lui ont dit « Non, laisse rouge, c'est rouge. » Donc, non seulement il y a la vidéo, non seulement ils sont 3 ou 4 à prendre la décision, et malgré ça, ils ont jugé que c'était rouge. Et alors là, c'est absolument inexplicable pour moi. Est-ce que l'arbitre a été envahi aussi par l'émotion, par toute l'atmosphère qui régnait, et il a peut-être perdu pédale J'aurais tendance à dire non, justement. Ouais. Parce que c'était le sens là du moment, ça aurait été de laisser tout le monde sur la pelouse. Parce qu'on rappelle, bon, même si forcément c'est un match qui comptait aussi pour les Verts, il y a un Nantais qui a été expulsé et du coup qui n'a pas pu participer, on va dire, à cette fête. Parce que ça restait une fête quand même en hommage à Salah. Mais c'est vrai que M. Schneider a tendance parfois à vraiment être trop carré sur le règlement. Parce qu'on parle de l'arbitre, mais il y a des arbitres. Il y a un nombre, je ne sais plus combien d'arbitres il y a en Ligue 1, plus combien il y en a en Ligue 2, etc. Et certains arbitres vont être plus tatillons que d'autres sur certains points. Certains vont être un peu plus psychologues, d'autres un peu plus cow-boys, on les connaît. Mais il y a des arbitres qui sont plus... je vois pas de qui tu parles. Il y a des arbitres qui sont plus carrés sur le règlement. Et là, c'est une situation qui vraiment demandait de la pédagogie, de l'interprétation, surtout qu'en plus, c'était tôt dans le match. Donc même si on enlève le contexte de l'hommage à Salah, ça restait quand même très sévère d'expulser les deux. Après, on ne sait pas les mots qui se sont dit, voilà, on n'est pas dans la situation. Mais je trouve ça vraiment... Ouais, c'est de l'application stricte du règlement. Et là, dans ce cas-là, ça ne s'imposait absolument pas. Comment on peut améliorer justement ce système? Il y a déjà un gros problème avec la VAR. Il y a des problèmes de communication. En améliorant l'humain. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est pas la VAR, c'est les arbitres. Oui, indirectement. C'est tout ce qui va autour. En non, fait. Mais c'est on va prendre le plus gros exemple qu'on a là, c'est Kerrer. C'est la faute sur Kerrer. Évidemment. Alors, j'ai plus le nom de l'arbitre, vous allez m'aider. Karim Abed. Oui, exactement. Voilà. Passe décisive d'Antoine. Karim Abed, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un arbitre. Tu parlais d'arbitre conciliant, Antoine. Lui, on le voit souvent sourire, souvent parler, toucher les joueurs, souvent leur parler et tout. Expliquer les décisions. Et là, Kerrer, je rappelle la faute, c'est Mbaignan qui vient en retard, qui tacle sur la mailleule, sur la cheville. Il a deux doigts de lui briser la cheville. Il a deux doigts de lui briser la cheville. Tout allait partir. Il peut lui arrêter la carrière en deux minutes. Tout était parti. La cheville a tourné, la jambe était en hyperextension. Heureusement, il ne s'est pas planté. Très dangereux, exactement. Heureusement que la pelouse du parc est pas mal et ça glisse un peu. Et il ne met que jaune. Il va voir la VAR. Et il regarde le ralenti où tout le monde se dit « Ouais, c'est bon, il va mettre rouge. » Il revient en disant « Non, je laisse jaune. » Alors que Thauvin s'était fait expulser la veille pour une faute qui, pour moi, ne méritait pas non plus une expulsion. On l'a vu là avec l'embrouille Nantes-Saint-Etienne. Je trouve que ça fait beaucoup et je pense que le problème, c'est les arbitres. Là, c'est une grosse erreur. Pour parler un petit peu du cas, c'est une grosse erreur de jugement de Karim Abed qui avait pris en compte seulement un tout petit point de règlement et pas tout le reste. C'est-à-dire que le point de règlement, voilà. Merci, Yoann, tu m'as fait une petite passe décisive aussi. J'ai l'occasion de faire mon mec chiant qui disait tout le règlement. Ouais, je suis déçu. En gros, sur les coups comme ça, si l'impact est sur la cheville ou en dessous de la cheville, c'est carton jaune. Si l'impact est au-dessus de la cheville, c'est carton rouge. Il n'y a peut-être pas que ça également. Il y a peut-être un problème d'ego, d'orgueil. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orgueil également des arbitres qui ne veulent pas se déjuger? Est-ce que je peux finir? C'est peut-être un problème d'ego. On laisse terminer, Antoine. Non, mais c'est peut-être un problème d'ego. Il y a peut-être ça effectivement qui entre en ligne de compte. Mais aussi, ce qui peut entrer en ligne de compte, c'est que M. Abed a juste regardé le point d'impact et non pas l'ensemble de la situation. Parce que là, si tu regardes l'ensemble de la situation, tu vois la dangerosité, tu vois la jambe de Kerr, tu mets rouge direct. Bah, c'est ça, et lui, il a avoué. C'est sûrement plus un problème d'orgueil que d'ego, que de jugement. Ou alors de jugement, ou alors de pression aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on leur met la pression en haut pour qu'ils prennent une décision très rapide. Surtout avec le Paris Saint-Germain. Il y a tous les coachs. C'est pareil. Je pense que si tu as Thierry Loret qui te met la pression sur le quatrième, je pense que tu n'es pas aussi bien que quand c'est Thomas Tuchel. Mais ouais, non, il y a un gros contexte de pression autour. Il a voulu prendre sa décision vite. Il a regardé très vite. Cheville, pas cheville, au-dessus, en dessous, sur la cheville, carton jaune. Sauf que si tu regardes la jambe, là, tu te dis, bon, on va peut-être mettre le rouge quand même. Karim Abed qui s'est excusé. Il faut le souligner également. Il s'est excusé en disant qu'il a fait deux erreurs. D'abord en mettant jaune et après en ne revenant pas sur sa décision. C'est assez rare d'ailleurs. Est-ce que justement, la bêtise humaine pourrait remettre en cause l'utilité de la VAR aujourd'hui? Ben non, ça remet en cause l'utilisation des arbitres. C'est le problème. Il faut que ça change. La VAR est là pour aider. Enfin... Je pense que n'importe quel autre arbitre aurait vu la VAR là, il aurait mis rouge. Mais c'est l'arbitre qui ne va pas. Je vais même te dire, je pense que n'importe quel autre arbitre voit le tacle, il met rouge sans VAR. Hein. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. On le voit de très loin. On le voit de très loin, mais je pense que s'il met jaune et qu'il n'y a pas la VAR, il n'y a pas autant de polémique. Il y aurait une grosse polémique. Ça, je suis d'accord. Mais ça, pas ça, autant. Ça, là, c'est le problème, c'est qu'il y a la VAR là qui est là pour aider et que l'arbitre ne se déjuge pas. Et je pense que moi, tout comme Johan, c'est un problème d'ego. tout simplement. C'est possible. Je dis pas que c'est pas le cas. Mais après, s'il avait un problème d'ego, je sais pas s'il serait excusé. Voilà, c'est ça. Il s'excuse après. Oui, mais attention, il est noté. Il est noté l'arbitre après. Il est pas obligé de s'excuser. Normalement, il a même pas le droit de parler dans les médias. Non, il faut souligner qu'il s'est excusé, mais en même temps, je pense que tu dois t'excuser. C'est normal. Normalement, il a pas le droit. Mais il a de la chance que Kerrer joue encore. Oui. Oui, ça oui. Ah bah sinon c'est rétrogradation. Il a presque fini le match. Ah bah il a fini le match. Ouais. Voilà, sinon c'est rétrogradation. Et on l'a vu avec c'est Alexandre Castro, l'arbitre qui avait expulsé Thiago Silva et s'était fait bousculer par Leonardo, qui depuis est en Ligue 2. Du coup, Antoine, justement, tu as la parole. Tu as voulu mettre un carton rouge concernant les critiques injustes envers les arbitres. Et oui, j'aimerais donc mettre un carton rouge à tous ceux qui critiquent les arbitres. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu ironique de mettre un carton rouge quand on parle des arbitres. Enfin bref, je vous vois souffler, messieurs, et c'est même un geste un petit peu plus grossier que m'a fait Johan, mais je le comprends parce que, bon, pour l'anecdote, j'ai lu, oui, les lois du jeu officielles publiées par les FAB, et oui, dans la conversation où on prépare les émissions et aussi où on discute de foot, on réagit un petit peu, je passe mon temps à pinailler sur des points précis de règlement. Alors que les choses soient claires, bon, oui, il y a rouge sur Mbagnang, on l'a dit, mais donc, comme j'ai dit, encore une fois, c'est une erreur de jugement. Il n'est pas aidé à ce sujet par la VAR parce qu'il avait la pression, mais bon, je ne vais pas revenir encore dessus parce qu'il y a déjà Johan qui me menace du regard, l'autre Johan qui est en train de regarder le bouton off de mon micro, et Simon, notre réalisateur, qui me dit dans l'oreille que je suis déjà à la moitié du temps que j'ai, alors bon, j'avance. Là où je veux en venir, c'est qu'il existe un nombre assez énorme de situations où on rend les arbitres responsables d'absolument tous les malheurs du monde. Il suffit de voir Pierre Ménès dimanche qui a carrément accusé M. Abed d'être malhonnête, ou Rudy Garcia qui disait tout simplement l'an dernier que Lyon pouvait remercier la Ligue de ne pas avoir instauré la VAR avant, sans quoi l'OM aurait fini 3e, bien sûr. Alors je vais passer donc sur la VAR et sur le fait que si tous les acteurs du foot, journalistes compris, connaissaient mieux les règles, ils se rendraient compte de plein de choses très instructives. Je vais vraiment me focaliser sur cette tendance à ignorer ses propres problèmes pour les décaler sur autre chose. Vous allez me dire, c'est peut-être juste une façade pour protéger ses joueurs, et je l'entends, c'est un argument qui est recevable, même si dans le cas de Rudy Garcia j'ai un très gros doute. C'est juste tellement facile d'attaquer les arbitres. Alors comme je l'ai dit, il est très rare que les joueurs et les journalistes eux-mêmes connaissent la règle, et les hommes en noir, ils n'ont tout simplement pas le droit de parler dans les médias. Pour pallier ces problèmes, certains préconisent de faire comme au rugby et d'ouvrir le micro des arbitres aux téléspectateurs, ce qui serait une excellente solution et ce qui est systématiquement refusé par la direction technique de l'arbitrage, on ne sait toujours pas pourquoi. Alors oui, parfois ils prennent des mauvaises décisions, souvent ils se protègent, parfois derrière des comportements de cow-boy totalement contre-productifs, recoucou monsieur Chaperon, mais je terminerai en disant que si le syndicat des arbitres du football d'élite recevait ne serait-ce qu'un centime à chaque protestation ou insulte injustifiée, il serait le plus puissant des syndicats français. Quel beau message. Ben merci Antoine. Neymar, lui, attire les crampons de ses adversaires. Il s'est une nouvelle fois blessé face à Strasbourg la semaine dernière en 16e de finale de Coupe de France. Sa durée d'indisponibilité est connue. Le Brésilien sera absent environ 10 semaines pour cause de fracture au métatarse. Il va donc rater le 8e de finale de Ligue des Champions. Mais avant ça, on revient sur le match contre Strasbourg. Écoutez Anthony Gonzalez qui s'est exprimé sur le joueur. C'est son style, mais forcément quand tu veux jouer comme ça, te viens pas te plaindre si tu prends des coups derrière, c'est un grand joueur. Je respecte le joueur qu'il est, maintenant voilà, on n'est pas là nous pour qu'il s'amuse avec nous, on n'est pas assez faire valoir. Donc il veut s'amuser, ben, nous on répond avec nos armes, on ne se laissera pas faire, on a un maillot à défendre, on a des couleurs à défendre, on a des spectateurs, un public qui est venu en nombre à défendre aussi, donc voilà, on n'est pas là nous pour rigoler, il peut s'amuser, il n'y a pas de souci, c'est son style. Et justement, je pense que les gens viennent aussi pour ça. Mais bon, après, voilà, nous qui viennent pas chouiner après. Voilà. Vos réactions ? Est-ce qu'il a chouiné, Neymar ? Bah, non, il n'a pas chouiné, il est juste sorti. Non, mais depuis la Coupe du Monde, on s'est beaucoup foutu de lui, pardon, parce qu'il se roulait par terre, etc. Je trouve qu'il a bien changé quand même depuis le début de saison. Et des coups, il en mange sévère quand même. Et ah, là, pour revenir à la faute, on parlait de l'arbitrage. Il y a 4 fautes en 5 secondes sur Neymar, qui après s'amuse et qui lui fait un petit arc-en-ciel et une petite frappe, voilà, pour lui faire comprendre qui est le patron. Mais c'est le jeu de Neymar. Alors il le dit très bien, Gonçalves, c'est le jeu. Mais oui, mais le jeu, c'est pas de casser des joueurs. Ça, c'est fini. C'est joue dans les années 90, si t'as envie. Mais c'est pas autorisé dans la règle en plus, contrairement au fait de dribbler. Voilà, on va pas siffler faute parce que Neymar te met un petit pont. Fracture de l'ego. Est-ce que au final, voilà, son style de jeu. On le voit très bien, énerve à peu près tout le monde, même je pense les arbitres. Est-ce qu'il n'est pas victime de ça et du coup on pense qu'il simule Non, il a été victime de sa réputation de simulateur, ça oui. Des fois, du coup, effectivement, on peut. Qui n'était pas qu'une réputation. Mais du coup, effectivement, il y a des arbitres qui au début ont pu laisser jouer sur lui quand il y avait des fautes pour se dire allez, il exagère un peu. Mais je pense qu'il y a des moments où aussi faut savoir, comme on dit l'expression, protéger les joueurs. Et Neymar, c'est un joueur qu'il faut protéger. On a de la chance de l'avoir dans le championnat de France. Et si jamais on le continuait, il prend des coups tout le temps. Il y avait une rumeur comme quoi son départ au Real Madrid aurait pu être précipité justement par cet accueil rugueux qu'il reçoit à chaque match et à chaque fois. Donc bon, je pense pas que ça soit vrai, mais par contre, il y a peut-être un petit fond de vérité quand même. Au bout d'un moment, c'est du football. On dit jouer au football, on dit pas tacler ou on dit pas c'est pas un jeu de défense. Ouais. Puis c'est sa santé aussi. Hein. Oui. C'est encore plus ça. Mais bon, ça apparemment, visiblement pour Gonçalves, c'est pas très grave sa santé vu que lui, il a pas pris de petits points, il est content. C'est ouais, justement, c'est plus moi la phrase de Gonçalves qui me gêne, la phrase on joue avec nos armes. Mais oui. Je pense pas que c'est une arme de mettre des taquets à quelqu'un. Surtout que Strasbourg est capable de beaucoup mieux. La phrase après, faut pas venir chouiner derrière. En fait, Neymar, c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui aime ça, c'est un joueur qui provoque, évidemment. Après, par exemple, dans le langage du football, un joueur qui s'embarque sur le côté de la surface de réparation, on dit toujours qu'il est en train de provoquer. Donc, c'est dans le football. Ce qui me gêne, c'est beaucoup de réactions que j'ai pu voir, beaucoup de réactions notamment sur le fait qu'il est trop protégé. Là, ça fait du bien de ne voir ne pas être protégé. Ça m'énerve ce principe d'être trop protégé. Neymar n'est pas plus protégé qu'un autre. Bah oui. Mais un joueur qui fait 50 dribbles et un autre qui fait 2 dribbles. Bah, sur ces 2 dribbles réussis, le joueur sera protégé. Neymar, sur ses 50 dribbles réussis, il sera protégé. C'est normal en fait. Il n'est pas plus protégé que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il provoque plus que d'autres. Quand je dis provoquer, c'est dans le bon sens du terme. Il provoque plus d'action, plus de dribbles, plus d'élimination en 1 contre 1. Donc forcément, on va avoir cette tendance à se dire il est plus protégé. Non, en fait, il est juste plus amené à prendre des coups, et c'est le cas. Et répondre par cette arme qui est donc l'arme de tacler, de défoncer une cheville, ce n'est pas la bonne arme, tout simplement. Non, puis en plus, c'est pas comme s'il avait chouiné. Il est juste sorti sur blessure, il sera absent 10 semaines. Voilà, il n'a pas chouiné, il est blessé. Mais moi, c'est ça qui m'a rendu fou. C'est aussi les réactions des supporters sur les réseaux sociaux qui ont osé dire que Neymar avait fait exprès de se blesser, comme par hasard il se blesse avant la Ligue des Champions. Ah oui, il a peur de jouer la Ligue des Champions. Oui, mais tu sais, pour eux, la terre est plate. Donc, c'est ça le problème. Non, mais il a peur de jouer la Ligue des Champions. Oui, Ligue des Champions pour Neymar, c'est aussi le 6-1 contre Paris. C'est vrai qu'il ne l'a pas gagné la Ligue des Champions. Et justement, en parlant de Ligue des Champions, il va être absent donc, face aux 2 rencontres contre Manchester United. Et sûrement l'écart, le quart aller normalement, le quart retour c'est possible, bah, ça dépend de Salah de retour. Manchester United qui connaît un regain de forme assez exceptionnel, est-ce que ça vous inquiète son absence pour ces huitièmes? Alors je vais parler très vite. Si même sans Neymar, Paris ne passe pas Manchester United, que les Qataris s'en aillent directement, que Paris rejoue la 18e place et ça sera très bien. Et que Marco Serra revienne. Ah oui, mais non, mais vraiment, si Paris n'est pas capable de passer Manchester United, même sans Neymar, c'est compliqué parce que t'as quand même Draxler qui est là, Di Maria, Mbappé, Cavani. Je pense que ta ligne d'attaque offensive. Ouais, Cavani, Giroud. voilà. Non, mais les 4 là, ils sont capables de faire beaucoup mieux, de au moins aussi bien. En plus, on l'a vu, même en Ligue 1, Paris, même sans Neymar, ça y va. Non, puis surtout qu'on on a recruté en plus Leandro Paredes, qui est un joueur qui est capable de mettre des buts aussi, un milieu de terrain capable de mettre des buts. Pour mettre des buts, on a des gens. Après, là où je comprends les inquiétudes qu'on peut avoir, c'est que notre capacité de déstabilisation, elle venait souvent de Neymar. C'est-à-dire que si Cavani et Mbappé ont pu mettre autant de buts, c'est aussi parce que tu avais toujours 2 ou 3 personnes surtout sur Neymar. Mbappé, ouais. Surtout Mbappé. On va pas retirer non plus l'apport que Neymar a. Forcément, Paris est beaucoup moins fort sur Neymar et ça serait une confrontation beaucoup plus équilibrée, je pense, qu'avec le Brésilien. Alors, est-ce qu'il y a une Neymar dépendance à Paris? À moitié. Oui et tu non. Tu es forcément dépendant. Tu es forcément dépendant de ton meilleur joueur. Ouais, mais en même temps, Paris prouve également qu'ils ne le sont pas totalement. En Ligue 1. Il y a une différence entre Paris l'année dernière et Paris cette année, c'est que cette année, le collectif explose aux yeux de tous. Ouais. Thomas Tuchel fait un travail fantastique avec cette équipe et je pense sincèrement que c'est l'arme du PSG. On pense à Neymar, à Mbappé, à qui vous voulez, mais en fait Tuchel est sûrement la vraie arme du PSG pour moi cette saison. Et puis au-delà de Tuchel, j'espère qu'il s'est pas blessé du coup. Il y a aussi Gigi Buffon qui fait un bien fou dans les vestiaires. Ouais, qui apporte sa fraîcheur aussi. Ah oui, il a raison, c'est vrai. Neymar, ouais. Neymar va aussi manquer des chocs en Ligue 1. Je pense notamment à Lyon ce week-end ou encore à Marseille le 17 mars. Cette année, à la mi-saison, il comptabilise 11 absences. Il a déjà égalé son total d'indisponibilité de la saison passée. Comment expliquer toutes ces blessures, outre les chocs qu'il peut prendre lors des matchs? Après, il était préservé longtemps. Et il est revenu tard de la Coupe du Monde. On le préserve. C'est normal que Tourelle le préserve. Et puis quand on voit justement, tiens, on va revenir à la réaction de Gonçalves, tu dis, bon, finalement, tu vas peut-être pas toujours le mettre sur le terrain, Neymar, contre des équipes rugueuses, comme on peut penser à Amiens, on peut penser donc à Strasbourg. Forcément, oui, il y a un moment où tu réfléchis à 2 fois avant de le faire jouer, surtout sur des terrains pourris en plus. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Bah, ça oui, c'est exactement ça. Puis après, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Johan, et je suis d'accord avec lui. Sauf que Neymar est le numéro 10. Et c'est ça, en fait. C'est Paris, le collectif, est énorme parce que Neymar a été repositionné en numéro 10 grâce à Tourelle. Ça change tout. Et ça change tout parce que sans Neymar, il n'y a plus de 10 à Paris, en fait. Et puis sur Neymar, on rame, on l'a vu. Enfin, on rame. On a plus de mal à créer des décalages. On l'a vu juste contre Rennes, tout simplement. On a eu du mal à faire sauter le verrou. Et on retrouve le problème qu'on avait avec Unai Emery, c'est-à-dire cette difficulté à contourner les blocs bas. Parce que quand tu n'as pas un créateur, forcément, c'est compliqué. Réponse dans les prochaines semaines, en tout cas en Ligue 1, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais il y aura Verratti. Hein. Pour finir, il y aura Verratti qui jouera contre Manchester. Il y aura Verratti. On se retrouve dans quelques instants pour parler Coupe de la Ligue, en parlant des demi-finales et des finales, avant une petite pause musicale. Studek Web. Studek Web, il est 9h. Studek, une école, une radio et vous. Les titulaires sur Studek Web avec toute l'équipe. Johan, tu voulais juste rajouter un petit mot par rapport à Neymar. Ouais, je voulais rajouter un petit mot. Ça traduit aussi un problème entre le club et la sélection brésilienne. Parce que l'année dernière, il y avait donc à peu près la même blessure. Et le club avait suivi le Brésil, le médecin du Brésil, parce que forcément, il y avait la Coupe du Monde, etc. etc. et qu'il fallait que Neymar joue. Parce que Neymar risque une opération. Neymar devrait d'ailleurs se faire opérer, ça serait mieux pour lui parce qu'au moins ça réglerait définitivement le problème. Et là encore, on a vu le médecin brésilien de la sélection du Brésil qui est venu sur Paris pour voir l'état de Neymar, et parce qu'il y a la Copa América qui arrive. Et voilà, ça traduit un problème aussi entre le club et la sélection. Et donc, Paris ne devrait pas se plier aux exigences des instances brésiliennes. Oui, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le métatarse se situe au niveau du pied, au niveau des orteils. Donc, pour un dribbleur, c'est clair que c'est compliqué. Bah, sur les appuis, c'est compliqué. Voilà, le pied, en général, pour un footballeur, c'est un peu embêtant. Pour quelqu'un qui marche, de manière générale, c'est embêtant. Oui, mais encore plus quand tu es footballeur. On s'intéresse maintenant à la finale de la Coupe de la Ligue, où Strasbourg et Guingamp tenteront de décrocher la Coupe. Ah tiens, Strasbourg. Les Strasbourgeois n'ont plus remporté ce trophée depuis 2005. Guingamp ne l'a jamais gagné. Que vous inspire cette finale, messieurs ? Quelle finale ! Est-ce que je peux me permettre donc d'émettre mon avis ? Tout à fait. C'est gentil. Oh. Je te donne la parole. Je pense à l'Olympique Lyonnais et à l'AS Saint-Etienne notamment, qui sont les rois du « oui mais Paris, oui mais Paris ». Lyon qui te dit « oui mais Paris est trop puissant ». Saint-Etienne qui dit « oui mais regardez, à chaque coupe on est éliminé par le PSG ». Marseille aussi, tu peux rajouter on a Marseille, Marseille pas mal. J'aimerais juste dire que Guingamp, depuis 2009, en 10 ans, c'est la troisième finale de coupe, dont deux sous l'ère Qatari. Deux sous l'ère Qatari. Donc une finale de Coupe de France en 2009 contre Rennes, en 2013 ou 2014 également. Quand Paris est éliminé par Montpellier. 2014 également contre Rennes encore une fois. Et là, en 2019, en éliminant donc le PSG. Et Monaco, je n'en peux plus d'entendre les équipes dire mais c'est normal qu'on perde en coupe, c'est parce que Paris est là. Non, même si Paris a un record fantastique. L'en avant Guingamp, modeste club de Ligue 1 avec ses moyens, avec son stade du Rodourou, avec son côté très, très village, très jovial. C'est trois finales de coupe en 10 ans. J'aimerais juste un petit peu que ces clubs-là, et je pense notamment à Lyon et Saint-Etienne, qui se sont beaucoup fait éliminer également en Ligue Europa, en Ligue des Champions, par des clubs des fois beaucoup moins puissants, arrêtez de dire que Paris est supérieur et que c'est impossible et que c'est une question de budget. C'est pas une question de budget, c'est une question d'envie. Si vous partez perdant, forcément, si vous avez un minimum envie, vous pouvez réaliser l'exploit un jour. Pourquoi pas ? Tu as dit Ligue des Champions et Ligue Europa pour Lyon et Saint-Etienne. Ouais. Oui, Saint-Etienne, Ligue des Champions. Non, Ligue Europa. Non, Ligue des Champions et Ligue Europa pour Lyon et Saint-Etienne, respectivement, quoi. Non, d'accord. J'avais pas compris ça comme ça. Ah, ok, autant pour moi. J'ai justement mis ça dans cette. Bref, j'ai pas digressé. On revient sur cette finale, messieurs. Première confrontation entre les deux clubs. En coupe. En coupe. Ah. Oui, en coupe. Ouais, il joue championnat. On parle de la Coupe de la Ligue. Ils jouent deux fois Paris. C'est pour ça qu'ils sont si bas dans le classement. Ils jouent deux fois Paris, forcément. Écoute, il y a Nolan Rousse, un spécialiste des dribbles. Faudrait pas qu'il se blesse face à Gonçalves, quoi. Gonçalves qui sera peut-être pas là d'ailleurs parce qu'il a été entendu là par la commission de discipline tout comme Thierry Leray et faudrait voir s'ils seront pas suspendus les deux. Bref, voilà. Il sera suspendu pour les matchs de championnat avant, il sera là pour la finale. À moins qu'il prenne un rouge avant. Finale excitante ou finale ennuyeuse ? Finale marrante. On va dire. Non, c'est le mot. Bon, original. Curieux, on va dire. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est deux clubs avec des ambiances en fait. Strasbourg, on connaît, avec la Méno forcément, même si la finale sera à Lille. Ça reste quand même le public strasbourgeois et j'ai pas doute qu'il y aura beaucoup de strasbourgeois qui feront le déplacement. Et puis Guingamp, c'est pareil, c'est un petit peu l'emballement, c'est un petit peu le même style, je vais pas comparer les équipes, mais c'est un petit peu le même style de soutien qu'avaient eu les Herbiers en finale au Stade de France contre le PSG en Coupe de France. C'est un petit peu le même style de public. Donc, ouais, mais pas pareil, parce que là aussi, tu avais le fait que la province n'aime pas Paris. Ah oui, non, mais c'est pas pareil. Toute la France, sauf Paris, sauf les supporters du PSG, étaient pour les Herbiers. Je parle des supporters. Globalement, c'est le même type de soutien qu'il y aura. C'est vraiment de la joie, c'est de la fête. Ça peut donner une très bonne ambiance. Ouais, après, sur le terrain, c'est autre chose. En tout cas, cette finale aurait été normale, en fait, dans les années 2000. C'est une finale qui est très années 2000. Il y avait eu un Strasbourg-Caen, je crois, en finale de Coupe de la Ligue. On avait eu un Nancy-Nice. En finale de Coupe de la Ligue. Il y avait eu Guignon PSG, la fameuse victoire de Guignon. Voilà, on a eu un Bastia-Bordeaux, je crois. Il y en a eu des finales un petit peu originales dans les années 2000. Et là, c'est un petit peu le retour du beau football, mine de rien, parce que ce sont deux équipes qui jouent bien au foot, même s'il y en a une des deux qui s'en sort beaucoup mieux au classement en Ligue 1 que l'autre. Mais ça reste une finale. Ah, je pense que globalement, c'est une finale qui peut surprendre, en fait. On peut avoir un super match. Un match pourri. Est-ce que le fait que Guingamp ait gagné sa Coupe de France, c'était en 2013 ou 2014 Est-ce que ça peut avoir un avantage psychologique ? Non. Parce qu'on connaît les ambiances des finales. Non, je pense pas, parce qu'en plus, ça sera pas au Stade de France, ça sera au Stade Pierre-Mauroy, qui est quand même beaucoup plus, on va dire, à taille humaine que le Stade de France, qui est la taille beaucoup trop inhumaine pour le coup. Mais c'est pas un stade de foot. Voilà. Stade de foot. Alors que le stade Pierre-Mauroy, bon, ça reste un stade de foot. Ouais, non, je pense pas que ça puisse. Bon, après, pour Pierre-Mauroy, on peut parler de la même chose pour le stade de France. Ça fait pas vraiment stade de foot non plus. Ce sont deux ambiances un petit peu différentes. Moi, c'est un peu tout. Les amis, nous sommes le 31 janvier et nous sommes surtout le dernier jour du mercato hivernal. L'occasion de faire un point sur les signatures. Beaucoup de mouvements en Ligue 1 aujourd'hui. Je commence avec Valentin Esserit qui arrive à Nantes de la Fiorentina. Un prêt de 6 mois avec option d'achat. Bonne recrue. Ça peut faire du bien à Nantes. Ouais. Après, Esserit, c'est surtout un joueur qui connaît bien la Ligue 1. C'est ça qui peut vraiment faire du bien aux Nantais. C'est un mec qui va faire le travail, tout simplement. Il va faire ce pourquoi il est là. Après, ça montre aussi qu'il a du mal à s'imposer à un plus haut niveau avec la Fiorentina, mais je pense que pour Nantes, c'est le joueur qu'il faut. Il y a également, du côté de la Fiorentina, il y a également Brian Dabo qui a du mal à se sentir exister. Il y a seulement Jordan Veretout qui arrive vraiment à exister dans ce milieu et qui est vraiment en place. Johan, tu es sur ton portable. Donne-nous un avis. Je regarde les infos mercato, justement. Un avis sur Esserit. Bon, moi, c'est un beau joueur. C'est un joueur technique qui peut correspondre tout à fait au style de Nantes avec coach Vahid. Voilà, ils aiment bien jouer au ballon. Il joue au milieu, je pense, c'est ça. Oui, il joue au milieu avec Valentin Rongier. Mmh. Ouais, ça peut faire un beau milieu, hein, en tout cas. Deuxième info, Mitroglou qui quitte l'OM pour Galatasaray. On est là sur un prêt de 18 mois. Là on a envie de dire enfin pour tout le monde. Ouais. 18 enfin mois. Pour tout le monde. Ouais, le prêt de 18 mois, c'est marrant quand même. Parce qu'au final, quand il revient, il lui restera une année de contrat quand même. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Ça fait un peu va-t'en n'importe où. Ouais, voilà, ça fait vraiment ça. Mais on est même prêt à payer ton salaire quand tu t'en vas. Tant mieux pour Marseille, tant mieux pour le joueur. Parce que même si Mitroglou a été très maladroit avec l'OM, il a quand même vraiment pris parfois des critiques qui allaient vraiment trop loin des fois. C'était vraiment abusé. Même quand il n'était pas sur le terrain, il prenait quoi. C'était trop. Donc tant mieux pour tout le monde. Et Mitroglou. Parce qu'il était sur le terrain. Voilà. Disons que des personnes comme lui ne méritent même pas qu'on lui ouvre le micro. Coupez-lui ça. Disons que c'était. On avait l'impression qu'il renvoyait l'image du joueur qui n'était pas beau à voir. Ah, mais c'est un joueur besogneux. C'est un joueur besogneux, Mitroglou. Mais c'est un joueur qui pèse sur des défenses, mine de rien. Bah, c'est un Giroud. C'est un peu le même style que Giroud. Sauf que là où ça va leur faire bizarre à Marseille, c'est que celui qui n'est pas du tout besogneux, c'est Balotelli. Et donc, s'ils veulent remplacer dans le profil, ce que j'ai cru comprendre de la conférence de presse de Rudy Garcia, c'est que pour lui, c'est le même profil. Après, Balotelli en 5 minutes, t'as fait mieux que Mitroglou en 6 mois. Le vrai problème de Mitroglou, c'est qu'il avait été recruté 18 millions le dernier jour du mercato. Blessé. En étant blessé, il était absolument pas numéro 1 de tête de liste. Enfin, il y avait rien qui allait dans ce transfert. On le sentait arriver et c'est arrivé. Merci. Oui, tu voulais rajouter ? Non, rien du tout. Moi, vive Mitroglou. Du mouvement aussi du côté de l'AS Saint-Etienne avec l'arrivée de Haït Bennacer qui provient de Monaco et de Vada, joueur de 22 ans de Bordeaux. Alors Vada, interrogation totale me concernant. Ouais. Ensuite, Haït Bennacer, très bon joueur. J'aimais beaucoup Haït Bennacer à Caen, à Monaco. Il a eu un peu plus de mal quand il est arrivé, mais c'était un très très bon joueur à Caen. Mais cela n'empêche que Saint-Etienne perd énormément avec le départ de Selnaes, qui est très probable. Oui, qui n'est pas encore officialisé. Non, mais qui est très probable. Faut pas oublier que le marché chinois ferme le 23 février, donc ils ont largement le temps de venir recruter le joueur. Mais alors Saint-Etienne qui perd Selnaes, surtout que d'après ce que j'ai compris, à cause d'un problème avec le fisc chinois ou autre, le club ne pourrait pas verser plus de 6 millions. Si jamais ça se fait, Saint-Etienne, il perd totalement. Donc là, c'est pas bon pour eux. D'autant plus qu'on le rappelle que Saint-Etienne a prêté Diouf au Chievo Vérone. Que Mvilla a pris un carton rouge. Mvilla a pris un carton rouge et Camara, l'espoir stéphanois, a été prêté à Laval. Saint-Etienne a fini le match contre Nantes avec Cabella et Monet Paquet au milieu de terrain défensif, je crois. Oui, exactement. Donc, fallait recruter un petit peu au milieu quand même. Nkoudou à Monaco, tout comme Adrien Silva, qui lui rentre dans un échange avec Leicester City concernant Youri Tillmans. Alors là, mais Monaco, je comprends pas ce qu'ils font. T'as l'impression qu'en fait, Monaco, ils disent. On va essayer lui. Mais du coup, on le prend en prêt parce qu'on n'est pas sûr. Mmh. Mais du coup, tiens, on va donner lui et en prêt aussi. C'est totalement illisible leur stratégie sur ce mercato. Après les prêts, il y a aussi le fair play financier. Ah oui, mais on a l'impression qu'il travaille. Nkoudou, c'est une bonne recrue, moi, je trouve. Il travaille dans l'urgence complet. Genre, Nkoudou, avec un entraîneur comme Jardim, moi, j'aime bien le pari Nkoudou. Je le tente à Monaco, en tout cas. Ah, mais c'est un pari, mais moi, je pense que dans la situation de Monaco, c'est pas des paris qu'il faut faire. Ils ont fait le pari Fabregas. Pour l'instant, bon, ça va peut-être prendre du temps avant de se mettre en place. Ils ont fait le pari Naldo. Pour l'instant, il a passé plus de temps en suspension que sur le terrain. C'est un peu compliqué. Deux fautes de rouge, Naldo, quand même. Et William Vainqueur, 14 minutes pour son premier match, un rouge. Non, mais oui, c'est dur un peu. Il va falloir réfléchir un petit peu, Monaco, au niveau des transferts. Adrien Silva, l'international portugais, c'est mieux. À Leicester, il n'a pas réussi, quoi. Bah, comme, ouais. comme beaucoup de joueurs. Ouais, ouais, mais après, c'est la Ligue 1. Hein. C'est Monaco qui joue la relégation. Je pense que c'est un profil qui, dont ils avaient besoin, Adrien Silva. Oui. Ils n'avaient plus personne au milieu. Ouais, un profil défensif au milieu. C'est ce qu'on disait, on disait dans une précédente émission. C'est que Monaco, cette année, ils ont fait l'erreur de vendre tous leurs cadres, et notamment Fabinho au milieu, qu'ils n'ont pas remplacé. Ça a été leur grosse erreur sur ce mercato. Exactement, et ça pourrait peut-être faire du bien à Monaco. En tout cas, et peut-être du bien à Tillmans aussi, de partir un peu à Leicester. Ouais, enfin, un peu la première ligue qui avait du mal à s'imposer. C'est du une énorme déception, ce joueur. Franchement, il n'y a rien qui va. À Anderlecht, il était vraiment bon. Oui, mais à Anderlecht, c'est le championnat belge. À Anderlecht, c'est comme il jouait quand même la Ligue des Champions. Il n'était pas moche en Ligue des Champions. Oui, mais c'est Anderlecht, ça prenait 5-0 chez eux. Tu as des joueurs qui élèvent leur niveau aussi sur les grands matchs européens. Ça arrive tout le temps. Maxwell Cornet a marqué contre City. On part du côté de l'international maintenant. C'est vrai. Avec, je pense à toi, Antoine. Denis Suarez qui file à Arsenal. Oui, bah ça, c'est un très bon profil, je pense, pour Arsenal. Contrat jusqu'en 2021. Non, c'est un prêt. Et il a prolongé, pardon. Oui. Il a prolongé, pardon, avec son club et il est prêté. Il est prêté avec option d'achat. Voilà, avec option d'achat. On ne connaît pas le montant de l'option d'achat, non, mais c'est une bonne opération pour Arsenal. Après, je sais qu'Emery voulait un milieu. Après, est-ce que c'est là que le renfort était prioritaire? Je ne suis pas sûr. J'aurais plutôt essayé de chercher du côté de la défense pour Arsenal. Parce qu'au milieu, on a quand même Xhaka, on a Guendouzi, on a Torreira qui font vraiment le boulot. Après, bon, avoir un Denis Suarez, vu le profil et vu le joueur, c'est jamais... on ne dit pas non à Denis Suarez. Mais je ne sais pas si la priorité était vraiment là. Mais ça fait 8 ans que la priorité, c'est la défense pour Arsenal. Oui, ah, on a recruté Socratis. Ah, oui. Ouais, mais le nombre de joueurs qui étaient sur le point de signer en défense et qui n'ont jamais signé. Il y a plus le nombre de joueurs qui ont été décevants aussi avec Mustafi avec Socratis ouais. aussi, un petit peu. Mustafi, si c'était une déception. Koscielny qui arrive en fin de carrière et on est en train de le faire traîner, Koscielny. On va le traîner jusqu'à ses 90 ans, je crois, sur un déambulateur, là, Koscielny. Autre transfert, Martin Cáceres qui retourne une nouvelle fois à la Juve en prêt, on le rappelle. Il a porté les couleurs de la vieille dame à 110 reprises entre 2009 et 2016, en remplacement sûrement de Benassia qui, lui, est parti au Qatar. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une idée classique. C'est un remplacement. C'est une idée classique. C'est une idée. C'est une idée classique. C'est un joueur qui connaît, connaît le club, qui retourne pour la troisième fois de sa carrière, je crois. Ouais, donc, non, mais fallait pallier un départ en défense. Ils ont fait le choix de la sécurité. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, on en a terminé pour le mercato. Tout de suite, on va parler tennis. Il me semble que Yann voulait dire quelque chose. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, Thiago Mendes, le joueur de Lille que Paris veut, notamment. C'est dans les dernières heures. Avec Gay, Paris voudrait Paris voudrait, ouais. C'est entre Gay et Mendes. Mais sauf que Mendes, c'est Gay, la solution c'est de secours. Voilà. Idrissa Gay, ça aurait été fermement arrêté par Everton. Selon le Daily Mail. Bonne recrue, Mendes, en tout cas, ça se fait. On verra ce que donnent les transferts. Rendez-vous dans quelques secondes pour parler tennis. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Sur Studek Web. Et comme promis, nous allons évoquer l'Open d'Australie et le retour de Caroline Garcia en équipe de France avant de se focaliser sur l'Open d'Australie et tout ce qui va s'en suivre au niveau actualité. Johan, tu voulais réagir, tu as décidé de te focaliser aujourd'hui sur le numéro 1 mondial, Djokovic. Je te laisse la parole. Et oui, et si Djoko détrôner le roi Federer, c'est en nombre de grands chelems. Hein. Je rappelle le record de Rodge, hein, je le connais un petit peu, qui est de 20. Nole est à 15, Rafa à 17. Mais la dynamique est du côté du Serbe avec 3 grands chelems d'affilée depuis Wimbledon de l'année dernière. D'autant qu'il n'a que 31 ans, Djokovic. Federer, lui, va sur ses 38. Il n'arrêtera jamais. Nadal risque d'être de plus en plus trahi par son corps et je pense donc que le Serbe est en très bonne voie. Et on sait hein, que ça sera difficile pour Federer de glaner un autre grand chelem. Alors Wimbledon, pourquoi pas? Ou alors l'année prochaine pour son probablement dernier Open d'Australie. US Open, j'y crois pas. C'est trop tard dans la saison pour le Suisse. Et puis Nole est juste impressionnant. Un premier joueur à battre Nadal en 3-7 lors d'une finale de grand chelem. Et avec la manière, s'il vous plaît, il semble tout bonnement inarrêtable comme en 2011. Et qui l'avait battu justement? Eh bien c'est Federer à Roland en termes d'un match grandiose. Il va falloir que le maestro retrouve de sa superbe pour empêcher le Serbe de lui prendre ce record. Ou alors, s'il ne peut pas compter sur lui-même, compter sur la jeune génération, les Tsitsipas, les Tim, les Zverev, les Koric, pour qu'ils viennent en gratter quelques-uns. Mais bon, le fossé est encore trop grand entre les légendes et les jeunes pousses. Alors, on le rappelle, Djokovic a seulement 31 ans. Messieurs, est-ce qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire du tennis ? Alors, est-ce qu'il aura l'aura d'un Federer ? Je ne sais pas. Federer a un aura beaucoup trop élevé pour moi, pour qu'on puisse mettre Djoko, de ce point de vue-là, devant lui. Maintenant, d'un point de vue du record pur, oui, il peut passer devant. Il peut passer devant, mais je pense que même Nadal, si jamais Federer ne gagne plus rien, peut passer devant. Maintenant, Nadal, c'est un petit peu plus compliqué. On sait que c'est surtout Roland-Garros c'est Roland-Garros là où il va briller, on le sait. Mais après, Federer peut pourquoi pas encore gagner, je pense, un ou deux grands chelems. Il ne nous surprendrait même pas à le faire. Comme dit Johan, il ne s'arrêtera jamais. Ouais, puis c'est ce il qu'on sera disait, toujours là. C'est donc, ce qu'on disait, il est capable d'aller gratter Roland-Garros pour les 10 ans de son titre. Enfin, il y a un petit peu de symbolique. Donc Federer peut encore gratter un ou deux titres. Mais... Ouais, pas Roland. Pas Roland. Ouais, mais c'est vrai que... Terre battue, c'est fini. Ouais, je pense aussi. Mais la symbolique, tu vois, j'ai forcément un petit peu d'espoir. Non, oui, mais pour le coup, c'est ce que disait Johan, c'est sur les chiffres, oui. Djokovic peut aller gratter le nombre de chiffres. Par contre, sur le reste, on en parlait sur l'aura, Federer, il est indétrônable. Peut-être parce qu'il a été là un petit peu avant aussi. Et qu'est-ce qui lui manque justement à Djokovic aujourd'hui pour avoir cette aura ? Un talent naturel. C'était ce qui différencie en fait le Big Four. Il y avait donc le Big Four, c'était Federer, Nadal, Djoko et Murray. Et en fait, ce qui les différenciait, c'était que Murray et Federer avaient un talent naturel qui était là. Que Nadal et Djokovic sont besogneux, ont travaillé pour arriver là où ils en sont. Je prends l'exemple de Nadal. Nadal est un droitier, en fait. Un droitier qui a joué gaucher, qui joue gaucher. Parce que, on lui a dit de jouer la main gauche parce que ça a gêné les droitiers et qui sont majoritaires sur le circuit. Donc voilà, on voit tout le côté travail. Puis même si tu prends, je reprends Nadal, mais c'est Gasquet qui était devant lui quand ils étaient jeunes. Et c'est qu'après que Nadal a pris toute cette ampleur physique déjà. C'est ça. Et voilà, et avec son coup droit dévastateur. Mais Djoko, c'est un peu la même chose. Djoko a explosé sur le tard. Il était à 20 ans, Djoko était très très bien classé, mais ne gagnait aucun grand chelem. Donc voilà, il en a gagné qu'un en 2008, c'était face à Tsonga. Il a profité que Tsonga élimine Nadal au tour d'avant. Mais voilà, c'était ça qui les différenciait. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avec Federer. Non, puis Federer, c'est Federer. Enfin, je pense que n'importe qui... On parle de tennis, il connaît Federer, il connaît sûrement Nadal aussi parce qu'on en a beaucoup parlé au moment de son énorme domination. Mais après, je pense que le problème aussi de Djokovic, c'est qu'on a eu un moment où Federer était seul. Il y avait Federer et les autres. Après, Djokovic, il est arrivé au moment tu parlais, Johan, du Big Four, bah Federer, il y avait un petit peu, il y avait Murray, il y avait Nadal qui poussait. Puis forcément, on avait aussi les Français. Nous, en France, on connaît bien Federer aussi parce qu'il est francophone. Il est francophone, il a brillé à Roland-Garros, ça aide. Djokovic a beaucoup moins brillé à Roland-Garros. Du coup, en France, forcément, il a un aura qui est inférieur à celui de Federer. Ouais, il a gagné aussi, hein, Roland-Garros. Oui, il a gagné aussi, plus brillé que Federer. Hein. Non, mais c'est tout bête. Mais par exemple, quand tu demandes... Enfin, je sais que pour le coup, on a pu en parler avec plusieurs personnes. En tout cas, j'ai pu en parler avec plusieurs personnes. Et souvent, quand je dis Federer, tout le monde me répond « Dieu du tennis » et toutes les expressions qui vont avec. Djokovic, la première chose dont on parle, c'est qu'il fait beaucoup rebondir la balle avant de servir. Donc, et pourtant, c'est un super joueur, mais c'est quelque chose qu'on va retenir comme ça plus naturellement. Nadal, c'est tout comme Nadal. Voilà, Nadal, on parle beaucoup de ses tics. Federer, il y a rien qui le sépare de son jeu en fait. Il est tellement beau à avoir joué qu'il n'y a rien. On peut parler de qui... classe naturelle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, ce que j'allais dire. C'est ça. C'est la classe qui les différencie. Federer, même, on se pose même la question de savoir si c'est pas le plus grand sportif de tous les temps. Donc c'est quelque chose quand même. Là, on dépasse le tennis, on dépasse l'entendement. Federer, voilà. Non, mais puis il y a un autre record que Nadal. Non, Nadal, ça va être plus compliqué, mais que Djoko peut aller chercher, c'est le nombre de semaines numéro 1. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Federer a le record, hein, 310 semaines. Djoko est à 236 semaines. Faudrait qu'il reste 18 mois, je crois, à peu près un an et demi. Et c'est jouable, sachant que Federer ne sera probablement plus numéro 1 mondial. Nadal est à 196. Et ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais Djoko a un record exceptionnel. Ouais. C'est il a gagné tous les grands chelems et tous les Masters 1000. C'est le seul. Ouais. C'est le seul à l'avoir fait. Et la preuve, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, Yann, c'est que tout le monde ne le sait pas. Ouais, c'est vrai. Alors que je suis quasiment persuadé que si c'est Federer qui détient ce record, excusez-moi ma langue est un peu fourchée, c'est Federer qui détient ce record, tout le monde, enfin, on est au courant, on le sait. J'ai perdu avec ma petite bafouille. Non, mais tout ça pour revenir quand même sur le tennis. Federer, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas et c'est difficile de mettre le doigt vraiment sur ce que c'est. C'est juste, voilà, il y a une aura. Et je pense que c'est, ça s'arrête à ça. Et même, il y a quelque chose que Djoko a fait que Roger n'a jamais fait, c'est que c'est le, Djoko est le troisième joueur de l'histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem à la suite. Ouais, alors, c'était sur deux années consécutives, mais c'est quand même très, très fort de faire ça. Federer ne l'a jamais fait, par exemple. Forcément, il a très peu gagné Roland-Garros, il l'a gagné qu'une fois en 2009. Mais voilà, il l'a fait après Donald Budge et Rod Laver. Donc, ça veut dire depuis quand ce record... Enfin, personne ne le fait. Et Djoko l'a fait. Et Djoko a quelque chose que, aussi, il est complet sur toutes les surfaces. Aussi. Autant Federer était un peu moins bon. Alors, ouais, on va dire moins bon. Ouais. Moins parfait sur terre battue. Parce qu'il en a gagné quand même des tournois. Mais Djoko est fort partout. Et c'est ça qui fait la différence. Et pourquoi pas Djoko qu'il le dépasse. Ça ferait mal à beaucoup de supporters de Federer, mais c'est possible. Hein. Je pense que les gens à qui ça ferait mal, c'est surtout les suiveurs de tennis, on va dire. Pas les gros fans, pas ceux qui vivent régulièrement. Comme on parle de classe, on aime bien parler du fait qu'il a le plus grand palmarès, forcément. Dire que c'est la plus grande classe de l'histoire du tennis, voire de l'histoire du sport, mais qu'il y a quelqu'un qui est devant lui, en fait. Entre guillemets, ça fait tâche pour quelqu'un qui suit le tennis de manière occasionnelle, tu vois. Alors que Federer, il a Federer, c'est une question d'or. On revient encore à ça. Mais Federer, il a ça. Tu suis le tennis de très loin, tu te dis Federer, voilà, Federer, il a en plus, enfin, sans vouloir faire du le physionomiste, mais il a l'air sympa, il est toujours affable en conférence de presse. Djoko aussi, mais Djoko, faut creuser Djoko, un peu il a quand même une réputation hyper sympathique. Hein, oui, non, mais c'est un gros déconneur. Là, tu parles de réputation. Moi, je te parle vraiment seulement d'aura, en fait. Ouais, okay. Et je trouve, dites-moi si vous êtes d'accord, quand on entend Federer s'exprimer, je trouve que même dans sa communication, c'est quelqu'un qui est très limpide et qui on l'écoute quand il parle, quoi. Et c'est peut-être pas le cas non plus de tout le monde. Après, Djoko aussi, pour le coup, il a une bonne communication. Globalement, les tennismen ont une bonne communication. Les tennismen, on va dire, dans le haut du tableau. Après, il y en a qui ont eu quelques petits problèmes aussi avec les médias ou autres. Mais ouais, globalement, dans le tennis, on a assez peu de problèmes dans ce genre-là. Mais c'est vrai que, mine de rien, le fait qu'on dise ça, ça prouve quand même l'aura, encore une fois, on va revenir à ça, mais c'est ça qu'a Federer. C'est que même si Djoko est aussi sympa et très déconneur, on va toujours avoir l'image d'un Federer qui est au-dessus sur ce point-là. Alors que pas forcément. Mais on va toujours se dire, voilà, Federer, il est plus sympa. Federer, il est plus cool. Alors que Djoko est, comme tu as dit, Johan, il a une très bonne réputation. On passe au tennis féminin maintenant, c'est la grande nouvelle du tennis français. Caroline Garcia, la numéro 1 française, vient d'être rappelée pour disputer le Fed Cup avec l'équipe de France pour le premier tour face à la Belgique. Après 2 ans d'absence, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Christina Madlevic et Pauline Parmentier... Mladenovic. Mladenovic, je vais y arriver. Appelle la Kiki, ça ira mieux. Séphila complète la sélection de Julien Beneteau. La 19e joueuse mondiale a donc été appelée aux côtés de Mladenovic et de Cornet, deux joueuses avec qui Garcia entretient des relations tendues depuis plus de 2 ans après sa décision en début 2017 de se retirer des Bleus. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ce retour ? On va essayer de s'attarder sur le depuis plus de 2 ans. Ouais. On espère que l'eau a coulé sous les ponts. Il y a que ça en fait. C'est ce qu'on va dire. La dernière déclaration de Kiki, justement, Kiki Mladenovic, remonte à juin 2017. Donc, je pense pas que ça soit. De juin 2017, il y a eu 1 an et demi entre temps. On se dit peut-être que, pourquoi pas, est-ce qu'en interne ça ne s'est pas réglé ? On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Bah, je pense qu'il n'y a que le temps qui pourrait venir. On pourra voir maintenant, c'était tendu. C'était sacrément tendu entre Garcia et Mladenovic. Après, on sait aussi que Mladenovic va jouer le double, très probablement, parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'on l'aligne en simple vu ses résultats récents. Ça peut peut-être justement créer une sorte de séparation qui peut être utile, on va dire, pour la cohésion du groupe. Après, on sait que la cohésion de groupe, c'est très important. Si elle joue double Mladenovic, elle joue avec Garcia. Elle jouera avec c'est Garcia. C'est problématique. Enfin, c'était son ancienne partenaire. Ouais, c'était son ancienne partenaire. Bah, du coup, et en double, 5 victoires en double et 1 défaite pour Caroline Garcia. Bah, ça peut permettre justement de remettre ce duo sur les rails. Mais je pense que Julien Beneteau, quel sélectionneur de l'équipe féminine, de Fed Cup. C'est ce qu'il fait. Je pense qu'il y a eu discussion en interne. Je pense qu'il y a eu réconciliation entre Mladenovic, entre Cornet et Garcia. Lorsqu'il a annoncé la liste, justement pour se justifier par rapport à Caroline Garcia, il disait qu'il avait pris les meilleurs. Et il y a toujours ce débat au final qui revient. Est-ce que l'aboutissement c'est une cohésion d'équipe ou l'aboutissement c'est d'avoir vraiment les meilleurs? Mais après, à l'instant sur un groupe restreint comme la Coupe Davis, ouais, il faut quand même prendre les deux paramètres en compte. Et puis c'est pas un sport co. Mais voilà. C'est un sport individuel. Caroline Garcia, je pense que quand elle est dans un match, elle se dit pas, il y a Mladenovic après, je vais perdre. Non, oui, mais elles veulent gagner son quand, match. Quand tu as un groupe qui ne s'entend pas bien, parfois tes performances individuelles. L'équipe de France 98 ne s'entendait pas toutes bien. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut gagner. Ce qu'il faut au minimum, c'est une entente cordiale. C'est savoir mettre ses désaccords sur le côté. Le temps du tournoi, surtout qu'en plus, maintenant, avec le nouveau format de la Coupe Davis, ça va pas être pareil au niveau de la cohabitation. Mais oui, je pense que c'est des sportifs pros. Ils sont capables de mettre ça de côté pendant la durée du tournoi. Après, s'ils veulent se mettre sur la gueule à la fin, c'est pas notre problème. Puis il y a un point qu'on n'a pas souligné, c'est que Caroline Garcia est la meilleure joueuse française actuelle. Simplement. Tout simplement. Quand elle a arrêté, ils avaient fait finale de Fed Cup, tout simplement. C'est depuis, c'est élimination au premier tour et 2018, demi-finale. C'est ça. Sachant que ça démarre en quart de finale. Donc, quand je dis premier tour, c'est un quart de finale. Il lui a un peu donné raison aussi au final dans sa démarche. Ah bah oui, mais tout ça. Bah oui, c'est la meilleure joueuse française. Donc je pense que. Et puis il y a la perspective des JO 2020 aussi. Et je pense que là, c'est important aussi d'être sélectionné dans le groupe France parce que Caroline Garcia veut participer aux JO. Dernière petite question, tour de table, vite fait. Pour vous, ça va être un retour gagnant Possible, à voir. Oui. Oui. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. C'est la fin déjà des titulaires. Merci à tous, merci à vous messieurs d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis voilà, on espère de belles actualités et de beau football et de belles raquettes. Les titulaires sur StudecWeb.